Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. C'est dans la prière que tu auras la victoire. Est-ce que tu sais que chaque journée, c'est un combat? Mais tu vas vaincre l'ennemi. C'est par la prière. C'est la prière qui est l'arme efficace. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Matthieu, chapitre 4, 17 à 25. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Matthieu 4, 17 à 25. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Nous allons partager quatre grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, suivons Jésus pour qu'il fasse de nous des pêcheurs d'hommes. Vous voyez, l'objectif de Christ, lorsqu'il te gagne, lorsque tu t'es converti, ce n'est pas de croiser les bras. Il faut que maintenant, à ton tour, tu deviennes un pêcheur d'âme. Un pêcheur d'âme, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait comme Pierre, au lieu d'aller pêcher les poissons, tu vas pêcher les hommes. C'est-à-dire, tu vas parler de Jésus à d'autres personnes. C'est ça un pêcheur d'âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que l'évangélisation, c'est leur responsabilité, mon ami. Tu parles toujours des ballons, des ballons, des ballons, mais tu ne parles jamais de Jésus. Ça ne te gêne pas? Là où tu travailles, là où même tu vas au marché, tu as déjà parlé à Jésus à combien de personnes? Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il faut que chacun de nous soit conscient de cette responsabilité. Vous voyez, au verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Deuxième vérité, soyons disponibles à suivre Jésus et à les servir. Il y a des gens, lorsque Jésus leur lance l'appel, ils ont toujours des excuses. Oh, j'ai d'abord telle chose à faire. Je parle à toi. Ma sœur, toi, lorsqu'on te confie quelque chose à l'église, là, tu as toujours des excuses. Oh non, au niveau du travail, je dois faire ceci. Si ce n'est pas le travail, c'est funérailles. Je dois aller aux funérailles. Si on te demande de faire ceci, tu as toujours des excuses. Oh non, j'ai mon travail, j'ai telle chose, j'ai mon enfant, j'ai mon oncle que je dois aller voir. Regardez ces gens ici. Quand Jésus leur a lancé l'appel, on dit aussitôt. Aussitôt veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit je vais réfléchir, ils n'ont pas dit je vais faire le mois prochain, je vais faire l'année prochaine, je vais faire dans 3 mois. Pourquoi beaucoup de chrétiens veulent toujours remettre à plus tard les décisions qu'ils doivent faire aujourd'hui? Vous voyez? Au verset 20, il est dit, aussitôt ils laissèrent les filets et les suivirent. Le filet, ça représente quoi? Le filet représente, parfois c'est un péché. Je vais demander à une jeune dame, écoute-moi bien. Jésus t'a déjà dit de laisser cet homme-là. Il n'est pas ton mari. Tu sais toi-même qu'il est marié. Même si tu donnes l'argent, tu sais que la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Mais toi, tu dis, comme celui qui paie ma maison, celui qui paie tout, si je laisse là, comment je vais faire? Jésus dit, il faut laisser. C'est comme un filet. Il faut laisser aussitôt. Lorsque tu vas laisser là, Jésus lui-même va s'occuper de tes besoins. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ton Père les nourrit. On dit aussitôt, quel est le filet que tu dois laisser? Il ne faut pas toujours remettre à plus tard parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain, ce qui va arriver le mois prochain. On dit aussitôt. Si le Seigneur t'a lancé un appel pour dire, je veux que tu puisses me servir, écoute-moi bien, je vais parler à quelqu'un. Regarde tout ce que tu fais là, ça ne marche plus. Tu fais commerce, tu es parti à l'extérieur, tu es parti à Dubaï, tu es parti au Ghana. Regarde, ça ne marche pas. Pour les autres, ça marche. Tu dois te poser la question, est-ce que Dieu t'a appelé à faire commerce ou bien Dieu t'a appelé au ministère? Aussitôt, il laisse les filets. Abandonne ce que le Seigneur t'a demandé d'abandonner et suis-les et tu verras la manifestation de sa gloire dans ta vie. Troisième vérité, la famille constitue les premiers champs missionnaires. Souvent, lorsque on dit « je suis missionnaire », ce n'est pas forcément que tu dois aller peut-être au nord ou dans un autre pays, mais le premier champ missionnaire, c'est d'abord la famille. Nous voyons ici l'exemple de Jésus. Quand il a pris ses disciples-là, il les a d'abord gagnés. C'était dans la famille. C'était des gens qui étaient dans une même famille. Vous voyez, il est dit d'abord au verset 18, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. » Et le verset 21 dit, « De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leur filet. » Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Vous voyez, la famille, c'est d'abord notre premier champ missionnaire. Toi, tu te demandes, où est-ce que je vais trouver les âmes? Mais regarde, ton petit frère là, c'est déjà une potentialité. Ton petit frère là, il ne connaît pas encore le Seigneur. Il faut commencer par lui parler de Jésus. Regarde ton père, le vieux père, la vieille. Tu as des cousins. Donc, la famille, c'est le premier champ missionnaire. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quatrième vérité, nous devons exercer le ministère dans sa totalité en suivant l'exemple de Jésus. En quoi consistait le ministère de Jésus? Il y a trois choses ici que Jésus faisait. D'abord, il prêchait l'évangile. Deuxièmement, il chassait les démons et puis il guérissait les malades. Vous voyez, nous devons être équilibrés. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des extrêmes. Le premier extrême consiste seulement à voir les miracles. On ne prêche pas la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu, mais aussi accorder aussi la place au ministère de guérison, de chasser les démons. C'est biblique, Jésus lui-même a fait. Mais évitons aussi l'autre extrême qui consiste à dire, nous c'est seulement la parole. Les miracles là, ça n'existe pas. Ou le temps des miracles est passé. Non, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, il y a l'aspect prédication et l'aspect enseignement de la Bible. Il faut que nous, les pasteurs, nous mettions cet accent sur l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est d'abord le commencement. Même Jésus lui-même, quand il a commencé son discours programme, il a commencé en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, tout commence par la parole de Dieu. Et puis, nous voyons, il est dit, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Le ministère de guérison fait partie de la mission que Christ nous a confiée. Nous ne disons pas que nous devons forcément guérir, ce n'est pas nous qui guérissons. Mais nous devons prier pour les malades et croire que le Seigneur va faire sa part. Et il est dit au verset 24, « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. » Donc vous voyez, les démoniaques, ce sont des gens qui sont troublés, tourmentés par les démons. Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un chasser les démons, il ne faut pas que ça te dérange. Parce que démon là, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton parent. Les démons, c'est démons. La Bible dit que Jésus apparaît dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi es-tu allergique quand on lit les démons, on les chasse? Il faut laisser parce que Jésus lui-même, il chassait les démons. Ô bien-aimés dans le Seigneur, soyons donc équilibrés et suivons l'exemple de Christ. Faisons ce que Jésus faisait. Il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il chassait les démons, il guérissait les démoniaques, afin que la gloire revienne au Père. Je voudrais que nous puissions le glorifier, que nous puissions le louer, nous puissions l'adorer. Chantons ce cantique pour sa gloire. Si tu as l'assurance du salut comme moi, lève-toi, nous allons danser pour Jésus. Jésus-Christ vit dans mon cœur. C'est pour lui. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur Jésus, lui qui n'a pas changé, lui qui a le nom le plus puissant, lui qui a le nom le plus élevé, le nom qui délivre, qui sauve, qui guérit. Élève ta voix là où tu es. Bénis le nom de Jésus. Tu es la lumière du monde, Jésus. Celui qui te suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Oh, sois béni pour ta parole qui nous dit que le peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous éclaire et tu nous conduis dans la lumière. Nous bénissons ton nom, oh Seigneur, toi qui chasses les ténèbres de nos vies. Nous glorifions ton nom, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous rend disponibles pour toi, pour te servir, oh Père. Merci, merci Seigneur, toi le Dieu qui nous a appelés sans tenir compte de ce que nous étions. Tu nous as appelés et tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as guéris. Oui, sois magnifié, toi le Dieu qui délivre les captifs, qui guérit les malades. Oh, tu es le médecin de médecins, tu es le Dieu tout-puissant, auquel honneur te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si tu as vu la main de Dieu à travers OSB, où que tu sois, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, que ce soit ceux qui nous suivent par le net, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, oui, nous souhaitons que tu puisses nous faire parvenir ton témoignage par l'application. Tu peux envoyer photo ou bien même tu peux téléphoner pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pour la gloire de Dieu. Je rappelle que cette émission est rediffusée sur l'Internet, sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous prions selon les saintes écritures. Et aujourd'hui, notre passage, c'est Matthieu 4, 17 à 25. Nous venons de voir l'objectif de Christ. Lorsqu'il nous sauve, lorsque nous venons à lui, il veut faire de chacun de nous un pécheur d'homme. Tu vas prier le Seigneur pour que réellement dans la pratique tu deviennes un pécheur d'homme. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Cette semaine-là, je voudrais parler de toi à quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un soit attiré à toi. Peut-être que tu es timide. Prie pour que le Seigneur te libère de cet esprit de timidité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, nous te louons et nous te bénissons. Nous nous prosternons devant ton saint nom. Toi qui es Dieu au-dessus de tous les autres dieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Ce matin, ô Père éternel, nous disons merci parce que tu as fait de nous enfants de Dieu. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as équipés, tu nous as envoyés. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons, Père éternel, que ceux qui ont reçu ton appel, ceux qui ont reçu ton nom, puissent proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans leur environnement. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où ils se rendront. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de timidité soit arrêtée, toute forme de crainte soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, donne à chacun de tes enfants le zèle, l'audace, la hardiesse pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour tes enfants que tu équipes. Merci pour l'esprit de timidité qui est vaincu. Merci Père parce que tu donnes cette opportunité à chacun de tes enfants et que chacun de tes enfants prend l'engagement d'annoncer la bonne nouvelle comme les disciples l'ont fait. Merci pour toutes choses. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu accordes à chacun de tes enfants et pour l'engagement à proclamer ta bonne nouvelle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous devons laisser nos filets pour suivre Jésus. Nous voyons ces gens-là. Quand Jésus leur a lancé l'appel, on dit aussitôt, le mot aussitôt, c'est-à-dire de manière prompte. Quel est le filet qui t'empêche de suivre Jésus et de le servir? Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à identifier nos filets qui nous bloquent et que le Seigneur nous libère pour que nous puissions nous détacher de ces filets et que nous puissions les suivre et les servir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Gloire te soit rendue à jamais. Honneur à toi, notre Dieu, notre Père. Que la gloire te revienne. Ce matin, c'est un appel à chacun de nous pour devenir des pécheurs d'hommes. Nous sommes attachés, ô Dieu. Nous voulons nous libérer pour répondre à ton appel. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui sentent l'appel, qui ont la conviction, même qui ont la confirmation, mais qui attendent des signes, qui attendent des miracles pour pouvoir s'engager définitivement. Ils sont attachés à ces filets, ils sont attachés à ce travail, ils sont attachés à cette chose dont ils ne veulent jamais se détacher. Mais Seigneur, de la même manière, tu as adressé cette invitation à Pierre et son frère. Ce matin, que cette parole résonne dans le cœur, dans la pensée de tes serviteurs et servants ce matin pour répondre à ton appel. Détaille-nous de ces filets, Seigneur, et nous voulons répondre présent, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Merci parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la famille, c'est notre premier champ missionnaire. Nous allons voir parmi nos parents, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu as peut-être ton fils, tu as ta fille, tu as peut-être ton père, tu as ta mère, tu as un oncle qui vit encore dans le mysticisme, qui vit dans des choses ignobles parce qu'il ne connaît pas Jésus. Tu dois avoir compassion de lui. Nous allons prier le Seigneur pour que il délivre nos membres de famille. Et nous allons prier pour qu'il nous donne aussi la capacité, l'opportunité de leur parler de Jésus-Christ, de leur présenter Jésus-Christ, parce qu'ils ont besoin de lui. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes, la vie en Jésus-Christ. Merci Père pour ton esprit qui a fait de nous des élus, qui a fait de nous des fils du royaume. Tu nous as appelés afin que nous soyons aussi des hommes et des femmes, des canaux pour la repentance d'une multitude. C'est pour cela que ta parole dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, versets 3 à 5. Père, merci parce que tu as fait de nous des hommes qui te connaissent, nous aussi. Donne-nous d'être des ambassadeurs dans notre maison. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui, par notre comportement, qui par notre humilité, qui par notre manière de vivre, oui, nous puissions évangéliser. Donne-nous l'amour des âmes perdues. Donne-nous l'amour des âmes perdues dans notre cœur. Pour que, mon Dieu, en tout temps et en tout lieu, nous puissions annoncer ta parole. En commençant par les membres de nos familles qui sont incrédules, qui refusent, oh Dieu, d'être appelés fils du royaume, d'être appelés tes enfants. Manifeste-toi par la puissance de ton esprit. Père, donne-nous de les soutenir en prière, de les confier en prière, afin que ces hommes et ces femmes viennent à toi. Et que dans nos familles, nous puissions élever la voix pour t'honorer, pour t'adorer chaque matin et chaque soir. Merci de le faire. Merci parce que nous initions des cultes de famille pour qu'une multitude soit convertie à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que nous avons notre rendez-vous. C'est samedi 9 juillet. Nous aurons le séminaire à l'école du Seigneur. Sur le catholicisme, nous voulons étudier la doctrine catholique et nous voulons faire une comparaison avec les évangéliques. Nous avons des points communs, tout comme nous avons des points de divergence. Mais venez étudier pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui nous unit avec nos frères catholiques à la lumière de la parole de Dieu. Il reste quelques places. Il faut venir payer 5000 francs à la réception de Fréquence Vie et vous aurez droit au livret du séminaire. Le séminaire aura lieu ce samedi à partir de 9h jusqu'à 13h au CPE. Le nombre de places est limité. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.